Oiseau dans la neige, par Ouida. L'hiver était rude et s'hérissait partout d'une manière terrible. Les vaisseaux sombraient sur la mer. La neige tombait avec une continuité désespérante, si bien que les trains étaient bloqués, les courriers arrêtés, et que dans plusieurs districts du sud de l'Angleterre, le trafic était presque interrompu. Que devait-ce être vers le nord? Même dans le Devonshire, doux et humide, où les roses fleurissent souvent en hiver, et où tout est vert à Noël, la neige était profonde et la glace épaisse. Les jeunes habitants d'un vieux presbytère sur les bords de la Darthe ne savaient que penser. À l'exception de Ray, un garçon de 7 ans, l'aîné de la famille, aucun d'eux n'avait encore vu la neige couvrir ainsi le sol. Ray, lui, en savait long là-dessus, ayant une fois passé les fêtes de Noël dans le nord chez sa marraine. Mais ses frères et sœurs, Rob, Tam et Dickie, et les petites jumelles, Suzy et Nelly, n'avaient jamais rien vu de pareil, et cette campagne toute blanche les charmait, les inquiétait à la fois, état d'esprit qui, à tout âge, a son plaisir et sa peine. Le père de ses 6 enfants était vicaire. De mère, hélas, il n'en avait plus. Il s'en était allé au ciel, quand les 2 petites sœurs, Suzy et Nelly, en étaient venues. C'était là ce qu'on leur avait dit. « Ce sont peut-être des plumes des ailes de maman », disait le petit Rob, qui se souvenait très bien d'elle, et s'était mis à pleurer en voyant ces beaux flocons blancs qui tombaient silencieusement à terre. « Je suis sûr que s'il avait des ailes, elle viendrait à nous », répondait Ray en regardant fixement haut. « Mais je ne crois pas qu'elle ait des ailes. »« Mais papa dit qu'elle est un ange, et les anges ont des ailes », répliqua Rob, qui était très positif. « Elle reviendrait auprès de nous si elle pouvait voler », répéta Ray. « Au moins si le bon Dieu le lui permettait », ajouta-t-il après un instant de réflexion. Puis, s'adressant à Rob, « Ne crois-tu pas que si elle disait au bon Dieu qu'elle voudrait venir embrasser Rob et Ray et Tammy, parce qu'ils en ont tellement envie, il ne pourrait le lui refuser ?» Rob réfléchit encore un instant, puis répondit à son frère. « Papa dit toujours non, le bon Dieu fait peut-être comme lui. »« Peut-être », soupira Ray d'une voix triste. Car on leur disait toujours non à ses enfants, et que de chagrin cela sous-entend dans une jeune vie. Le presbytère était une maison de bois, longue et basse, couverte de plantes grimpantes, un vrai paradis pour des enfants, à cause des coins et recoins de ses corridors, de ses profondes fenêtres, de ses armoires mystérieuses. Excellent endroit pour les courses folles au crépuscule, et pour les histoires qu'on écoute au coin du feu, pour la gaieté, le bruit et les bons tours. Mais tout cela était rayé de la vie des enfants au presbytère, et quoique la joie se glissât parfois dans le petit cercle, car elle ne peut jamais être tout à fait absente là où il y a 6 enfants, elle se cachait timidement, et le rire lui-même n'éclatait pas sans quelque crainte. Car une ombre froide et sombre régnait sur la maison et les enfants, et cette ombre, c'était leur père. Il était vicaire de la paroisse écartée de Golden Rod, Carrose la Darthe, dans un district perdu du comté où Eric exerça son ministère. Mais combien il ressemblait peu à ce pasteur de campagne au cœur chaud et à l'esprit joyeux. D'un caractère taciturne et chagrin, il était dur pour ses enfants et son pas lourd, le long du corridor, faisait fuir Rob et Ray tout tremblant, tandis que les petits se mettaient à pleurer. Le peu de tendresse qu'il eût jamais eu au cœur, il l'avait enseveli en même temps que sa femme, là-bas, sous le grand if toujours vert au côté sud de l'église. Aussi les enfants en avaient-ils peur. Leur père, pourtant, était un homme de bien, c'est-à-dire très véridique, très honnête, très laborieux. Jamais il n'hésitait en face d'un devoir, quelque rebutant qu'il fût, et ne s'accordait aucun plaisir, quelque envie qu'il pût en avoir. Mais il était rigide et austère, et surtout parcimonieux, dur à la détente, comme disait Kezia. Sa paroisse, très étendu et très pauvre, lui rapportait peu de choses. C'est à peine s'il avait là 1 ou 2 personnes aisées, et le vicaire, quoiqu'il possédait un joli avoir placé à la banque du comté, vivait comme un homme pauvre, par goût plutôt que par nécessité. Ses idées étaient étroites et ses habitudes mesquines. En somme, pourtant, les enfants n'étaient pas malheureux. N'avaient-ils pas pour leur jeu le vieux verger, couvert de mousse, la prairie voisine et les haies et les bois, et puis la vache, les poules et la grande cuisine où ils venaient s'accroupir près du feu pour manger leurs gruaux et écouter les histoires de Kezia, tour à tour cuisinière, ménagère, intendante, tout en un mot. Kezia les adorait. Elle les avait tous vus naître et avait promis au lit de mort de leur mère de ne jamais les quitter. Elle tint parole. C'était une maîtresse-femme, aimée de tout le monde, et qui eût pu épouser le riche meunier dont le moulin tourne sur la rivière à 8 000 en aval. Mais il y avait bien des choses qu'elle eût voulu faire pour les enfants, et auxquelles il lui avait fallu renoncer, parce que jamais elle ne désobéissait à son maître. C'est ainsi qu'elle devait leur donner souvent de l'eau panée au lieu de lait, et du gruau froid quand elle aurait voulu le leur servir chaud. Elle avait honte de leurs vêtements rapiécés. Eux, pensait-elle en elle-même, qui devraient être les premiers de la paroisse. « C'est très bien d'être un saint, » ajoutait-elle, « mais c'est mal de vouloir tondre sur un œuf. » Or, c'est bien de cela qu'elle accusait son maître dans le secret de son cœur. Et quand la neige se mit à tomber, elle l'inculpait avec plus d'amertume que jamais. Les enfants frissonnaient. Ils n'osaient mettre dans la cheminée de grosses bûches de chêne pour leur faire un beau feu bien flambant. « Allez courir dehors, mes poulets, et tâchez de vous réchauffer, » leur disait-elle, quand le blanc manteau qui leur paraissait si étrange se fut étendu sur la campagne, dont les arbres dépouillés, la rivière noire, démesurément grossie, attristaient encore la monotonie. Robert Ray prenait leur leçon avec leur père dans son cabinet de travail, une petite pièce sombre et triste, qui était pour eux comme une chambre de pénitence, car s'ils connaissaient mal leur syllabaire, ils connaissaient d'autant mieux la baguette, et c'était là qu'avaient lieu les exécutions. Mais ce jour-là, ils étaient libres, parce que leur père avait été appelé auprès d'un mourant, de l'autre côté de la grande lande couverte de bruyère. Aussi s'élancèrent-ils au dehors, entraînant après eux leurs petits frères et les bébés dans leurs chariots, courant et gambadant, aussi heureux que si la terrible baguette n'avait pas reposé là, sur la table à écrire, à côté de leur cahier taché d'encre. Ils firent des parties de traîneaux qui leur semblaient aussi belles que toutes celles qu'ils avaient vues dans les journaux illustrés de Noël, se figurant que les babies étaient des princesses. Puis ce fut l'entrée de Napoléon à Moscou, que Ray venait justement d'apprendre dans son histoire de Markham. Et ils étaient si parfaitement heureux de leur marche et contre-marche, de leur bataille, de leur propre mort et de leurs ensevelissements dans la neige, qu'ils ne s'aperçurent pas de la rentrée du maître redouté. La voix sévère du vicaire traversa l'air froid comme un glaive. « Vos leçons sont-elles faites ?» Rob, qui enterrait justement un tamis dans la neige, et Ray, qui portait Dick sur son dos comme un des soldats gelés de la vieille garde, l'entendirent, et un silence de mort succéda à leur jeu. Ray, aussi blanc que la neige, répondit seul. « Nous n'avons pas fait de devoirs, papa. Alors, qu'avez-vous fait ? Nous nous sommes amusés dans la neige. Très bien, allez m'attendre dans le cabinet. » Rob se mit à pleurer, lèvres de Ray tremblaient, il savait ce que cela voulait dire. « C'est ma faute, monsieur le révérend, rien que ma faute à moi !» s'écria Clésia, accourant de la maison. Mais le vicaire la poussa de côté. « Vous gâtez les enfants, c'est connu » dit-il froidement. « Ils sont d'âge à savoir ce qu'ils ont à faire. » Clésia supplia en vain. Les enfants durent aller dans la chambre d'études. « Ne frappez que moi, père !» dit Ray timidement. « Moi seul, je vous en prie. Si je n'étais pas sorti, Rob sera resté avec moi dans la maison. » Le vicaire, dans le secret de son âme, reconnut la généreuse nature de Ray et se sentit fier de son fils. Mais il eut l'air de ne l'avoir pas entendu, et tous deux reçurent, sur la pomme de leur petite main glacée, la punition redoutée. Puis il les enferma pour faire leur leçon, et au lieu de dîner, on leur donna deux tranches de pain sec. Le vicaire ne voyait rien au-dessus d'une discipline inflexible. Ils firent leur devoir, Ray rapidement, Rob avec lenteur, mouillant tous deux de larmes les pages de leurs livres. Puis ils s'établirent dans l'embrasure de l'étroite fenêtre pour se faire répéter l'un à l'autre ce qu'ils avaient à apprendre par cœur. La croisée ouvrait sur une pelouse où quantité d'oiseaux s'étaient réfugiés sous un immense buisson d'aubépines. « Regarde, » dit Ray, « comme ils ont l'air tristes et misérables, comme leurs plumes sont hérissées. « Ils ont froid, » dit Rob tout pensif. Puis il ajouta, car il entendait dans la chambre voisine le bruit des assiettes, « Peut-être aussi ont-ils faim ?»« Faim ?» répéta Ray, qui ne s'était jamais demandé comment vivaient les oiseaux. Tout à coup, les couleurs revinrent à ses joues pâles, et jetant de côté son livre d'études. « Que je suis stupide, oui, ils ont faim. La terre est gelée, et couverte de neige, ils vivent de vers et de graines, et maintenant ils ne trouvent rien. Oh, les pauvres petites bêtes !» En ouvrant le châssis de la fenêtre, il émietta son pain sec et le jeta aux oiseaux. Tous s'abattirent bruyamment sur cette provende inattendue, moineaux bruns, linottes grises, pinceaux aux ailes bigarrées, griffes tachetées, trois grands merles, une mignonne mésange bleue et je ne sais combien de rouges-gorges. Ils n'étaient plus tristes, Il sautillait, picorait, battait des ailes, gazouillant et mangeant à la fois, et se comportant beaucoup mieux que ne l'eût fait en pareille rencontre une foule humaine affamée. Les rameaux serrés de l'aubépine s'étendaient au-dessus d'eux. Bientôt les heureux petits êtres s'y rassemblèrent de nouveau et remplirent l'air de joyeuses chansons, romances sans paroles aussi gaies que si l'aubépine eût été en fleurs et qu'ils fussent occupés à y faire leur nid. Robert et était ravi. Ils se penchaient en dehors de la croisée, jetant à profusion leurs miettes de pain, riant et pleurant à demi d'avoir découvert que les oiseaux dans la neige avaient faim. Ils ne songeaient pas qu'eux-mêmes ils étaient affamés. Dans leur excitation et leur sympathie, ils l'avaient parfaitement oublié. Bientôt, quand ils eurent mangé jusqu'à la dernière miette, les oiseaux, secouant leurs plumes, rirent la volée. Seul, un rouge-gorge, perché sur une des plus hautes branches, se mit à chanter comme s'il avait été chargé d'exprimer au nom de tous des actions de grâce. « Oh, que c'est délicieux !» crièrent-elles les mains jointes et palpitant de joie. « Oh, que c'est beau ! Oh, Robby, quelle bonne idée tu as eue de te souvenir qu'ils avaient faim !»« Et moi pourtant qui ne sais rien !» dit Rob avec un petit air satisfait. « Que faites-vous à la fenêtre ?» demanda le père. Leur joie tomba, le rouge-gorge s'envola. Cette fois, ce fut Rob qui répondit. « Nous donnions notre pain à ces pauvres petits oiseaux. C'est moi qui y ai pensé. Tout votre pain ?»« Oui, papa, nos deux morceaux. » Le vicaire fronça le sourcil. « Dans ce cas, vous n'aurez rien à manger jusqu'à l'heure de votre thé. Et souvenez-vous bien de ne jamais recommencer. Gardez votre pain pour meilleur usage. Les oiseaux ne sont que des pillards. Ils volent le grain et les fruits, et c'est par la volonté divine que la gelée en détruit au moins quelques-uns. Il est impie de vouloir contrarier les desseins de Dieu. » Ray parut très perplexe, Rob très grave et résolu. « Le bon Dieu tue les oiseaux ? » demanda-t-il. « La gelée que Dieu envoie les tue, » répondit son père. « Alors je n'aime pas le bon Dieu, » dit Rob après un silence. « Tais-toi, » dit Ray. « Dieu est bon, c'est papa qui se trompe. » Le père devint pâle. Ces blasphémateurs étaient-ils donc ses enfants ? Une fois de plus, ils subirent la correction accoutumée, mais ils furent fouettés au lieu d'être frappés, et leurs petites mains roidies durent écrire en grand caractère hésitant. « Le gel est une dispensation de la nature, instituée par la miséricorde de Dieu pour détruire les multitudes d'oiseaux qui dévastent les récoltes des fermiers et détruisent les bourgeons des fruits. »« Ce n'est pas vrai, » dit Ray entre ses dents, tandis que sa main traçait péniblement la longue sentence. « Je suis sûr que ce n'est pas vrai. »« Non, ce n'est pas vrai, » répondit comme un écho de son frère Rob, dont les petits doigts courts et potelés avaient grand-peine en temps ordinaire à faire un nœud un peu rond, et maintenant ne pouvait y parvenir. « Je n'aime pas les fermiers, » ajouta-t-il. « Les fermiers tendent des pièges aux oiseaux, voilà ce qu'ils font. » Ray ne répondit pas. Son cœur était trop gros pour parler. Il avait lu dans un livre d'histoire, chez sa marraine, qu'il y avait un pays au nord où, pendant la gelée, on liait au-dessus des portes une gerbe de blé pour les oiseaux affamés, et il aurait voulu être dans ce pays. Tous deux s'endormirent ce soir-là, après bien des larmes. En se levant le lendemain matin, ils coururent à la fenêtre. Il faisait à peine jour. La lune disparaissait derrière les bruyères. La neige était tombée toute la nuit. L'étang était gelé, il faisait très froid, et sur le rebord de la fenêtre, un petit oiseau était étendu mort. C'était un jeune chardonneret. Ray trembla de tout son corps en le voyant. Rob devint rouge de colère. « Oh, le pauvre, pauvre petit oiseau !» soupirèrent-ils ensemble. Et la vie leur sembla si terrible qu'ils se mirent à pleurer dans les bras l'un de l'autre. Ce monde froid et sombre, où le bon Dieu laissait mourir les petits oiseaux, les effrayait, comme ils avaient été effrayés quand la terre était tombée dans la fosse de leur mère. Ray se consola tout à coup et dit, les yeux brillants, « Je donnerai mon déjeuner aux oiseaux, et papa pourra me tuer s'il le veut. »« Moi aussi, » dit Rob, qui ne voulut pas rester en arrière, quoique son cœur se serra un peu, car il avait très faim, par ces deux froides matinées. « Cela nous fera mal de pas manger, » murmura-t-il, « ne crois-tu pas ?»« Oui, cela nous fera mal, » répondit son frère avec un éclair de dédain dans les yeux. Les martyrs souffraient bien, et pourtant ils se laissaient faire. Rob ferma la bouche et ne fit plus d'objection. Ray lui parlait toujours des martyrs, quoiqu'il ne s'en souciât guère. Lui, il s'intéressait davantage aux fauvettes prises au piège. « Allons, » dit Ray, et se donnant la main, ils descendirent l'escalier roide et sombre. Les enfants prenaient toujours leur premier pas à la cuisine, pour la tranquillité de leur père et la commodité de Kezia. Ils s'asseyaient en rond devant le feu, autour de la table de sapin, les petits dans leurs chaises hautes, Rob et Ray sur des escabeaux. ils avaient le plus souvent du gruau pour leur déjeuner. Ce matin, ils eurent du lait, de l'eau et du pain, et qu'ils y allaient régaler d'un peu de miel, parce qu'on est si près de Noël, disait-elle. C'était le 23 décembre. Ray regarda le miel et le pain. « Ceci est-il à moi ?»« Oui, chérie, » dit Kezia, cherchant à deviner sa pensée. « Je puis le manger ou ne pas le manger comme je veux ?»« Sans doute, mon garçon. »« Quels gros yeux vous faites, mon Reddy ? Qu'y a-t-il ?» Ray regardait son pain le cœur gros. Il se sentait la faim d'un garçon de 7 ans, mais son imagination lui montrait dans ce moment tous les oiseaux de la terre étendus morts. Il se leva, prit son pain, et jetant un coup d'œil à son frère, il se dirigea vers la porte. Rob, une larme roulant sur sa joue, prit bravement son pain et suivit. Kezia, occupée à faire déjeuner les petites jumelles, ne les vit pas. « Papa peut nous tuer, mais le bon Dieu ne sera pas fâché, » dit Ray d'un air tranquille. Et jamais aucun des martyrs qu'il aimait n'avait eu le cœur plus fermé plus haut. Puis il se mit à émietter son pain et le jeta dans la neige. Rob, lui, ne put s'empêcher d'y mordre une bonne bouchée, après quoi il jeta le reste aux oiseaux. D'une fenêtre treillagée au-dessus d'eux, on entendit la voix tonnante du vicaire. « Je ne veux pas de ce gaspillage dans ma maison. Méchants enfants, mes paroles ne sont-elles pas une loi ?»« Il peut me tuer, cela m'est égal, » dit Ray, le visage pâle et résolu. Rob fronça les sourcils et d'un ton boudeur. « Ce n'est pas perdu, » dit-il. « Cela aurait été dans mon estomac et maintenant c'est dans celui des petits oiseaux. » Cependant des armes et des haies avoisinantes, l'escouade emplumée arrivait à grand bruit d'ailes pour prendre part à l'aubaine. Le père descendit rapidement et appela Kezia. Job Stevens s'est estropié en coupant déjeuner. Il est à la mort, et on vient me le faire chercher. Prenez les enfants, enfermez-les dans mon cabinet, ils seront punis quand je reviendrai. Oh, monsieur le révérend, dit Kezia consterné. Mais, monsieur, Job Stevens demeure à 12 000 d'ici et dans la neige. Il va sans dire que j'irai à pied. Interrompit le vicaire. « Pas un cheval ne pourrait y aller. Ce n'est rien. Enfermez ces garçons et ne les laissez pas sortir avant mon retour. » Et s'enveloppant dans son manteau, il s'en alla à travers les bruyères où le vent du nord se déchaînait. Robert Ray restait immobile. Kezia vint les chercher. « Mes enfants, vous avez entendu ce que le maître a ordonné, » dit-elle avec des larmes dans ses yeux nets. Rob mit ses petits bras autour de son cou. « Oui, mais il est parti et tu ne vas pas nous enfermer. » Kezia hésitait. Elle passa la main dans les cheveux bouclés de l'enfant. La figure de Ray, d'abord souriante, devint sérieuse. « Il faut que nous soyons enfermés, Rob, » dit-il tristement. « Nous ne devons pas faire gronder Kezia. »« Oh, mon généreux enfant !» s'écria celle-ci, et elle soupira. Ils furent enfermés. À une heure, elle leur apporta leur dîner, et les regardant d'un air pensif. « Le maître a dit jusqu'à mon retour, » murmura-t-elle. « Ne t'inquiète pas de nous, » répondit Ray. Nos leçons sont faites et nous pourrons nous amuser. » Kezia referma la porte, le cœur plus mécontent de son maître que jamais. « Ce sont nos vrais chérubins, et il est si dur. Lui, qui tous les jours de communion boit la coupe du Seigneur, il devrait pourtant être un tout autre homme, » murmurait-elle, irritée. Si elle eût su quelque chose de l'histoire des saints, elle aurait souhaité que son maître pût avaler une araignée avec le vin sacré, comme cela était arrivé à saint Norbert, afin d'être, après cela, rempli comme lui pour toujours de l'esprit de charité. La journée s'écoula lentement, sombre et triste, une journée de neige, de vent, de tempête. Quand tomba le crépuscule, le vicaire n'était pas de retour. « Il y a un terme à tout, » pensa Kezia. « Maintenant, je vais les laisser sortir. Je lui dirai que je les ai tenus enfermés tout le jour, et il sait que je ne suis pas femme à mentir. » Elle ouvrit leur porte. Rob se précipita dehors avec des bonds et des cris. Ray le suivait lentement, se demandant si Kezia n'aurait point à pâtir pour eux. « Le maître est bien en retard, » dit l'homme qui faisait les gros ouvrages de la maison. « Je pense qu'il passera la nuit chez le squire. »« Je l'espère bien, » dit Kezia. Le squire était le plus gros propriétaire de Tamsley, le village où le coupeur de genêt, Job Stevens, était étendu sur son lit de mort. Certainement il est resté chez le squire. « Il se sera plus sensé que ce qu'il fait souvent, » se redisait Kezia tout en poussant les verrous et en fermant les volets. Puis elle dit à l'homme de peine qu'il ferait bien de coucher dans la maison puisque le maître était absent. Personne n'était inquiet. Le vicaire était à Tamsley, et voyant combien le temps était mauvais, il était sans doute resté pour la nuit chez son ancien ami, quoi de plus probable. Et tandis que le vent et la neige faisaient rage au dehors, les enfants s'amusaient bruyamment. Kezia, gaie de nature, savait des quantités d'histoires, et songeant qu'il n'y avait plus qu'un jour jusqu'à la veille de la nativité, elle faisait cuire pour les enfants, dans du vin de groseille, des pommes piquées de clous de girofle, renouvelant ainsi la scène que Ben Jonson a chantée dans un de ses Noëls. Il était très tard ce soir-là, presque 8 heures, quand les enfants furent mis au lit. « Mon Dieu, je t'en prie, prends soin des oiseaux dans la neige, » dit Ray à la fin de sa prière du soir. « Amen, » dit Rob tout ensommeillé. La nuit passa, paisible. Mais lorsque la matinée puis l'après-midi se furent écoulées sans que le vicaire reparût, une grande inquiétude s'empara des domestiques d'abord, puis des enfants. Le temps était devenu terrible. La neige tombait, tombait toujours. Le ciel était noir. Le vent soufflait avec furie. Depuis des années, on n'avait vu pareille tempête dans le Devonshire. « Où donc peut-être le maître ?» se disait Kezia tout inquiète, car il était impossible qu'il fût resté chez le Squire. On était à la veille de la fête, et que deviendrait-on sans le service de Noël ? La paroisse était très disséminée, quelques fermes, quelques cottages séparés par des milles les uns des autres, et autour de l'église et du presbytère, seulement 2 ou 3 pauvres maisons. Ceux qui les habitaient vinrent successivement, chacun d'eux ayant quelque alarme à suggérer, quelque lugubre souvenir à remémorer, tous renchérissant les uns sur les autres et toujours en guise de consolation. Ray écoutait tout, les yeux grands ouverts. Il n'était pas précisément malheureux, bien au contraire. Kezia lui avait donné une mesure de grain pour les oiseaux. Cependant, il avait le sentiment que quelque chose de grave s'approchait. Rob courait, criait et chantait à cœur joie. La tempête n'avait point de terreur pour lui. « Comme c'est étrange, » dit Kezia dans son anxiété. Elle ne savait que faire. Ce n'était pas un temps à mettre homme ou bête en campagne, et le vicaire, qui était peut-être sain et sauf dans la grande maison du Squire à Thamesley, ne ferait que gronder si elle envoyait à sa recherche. Il avait toujours détesté les embarras. Que faire? Que résoudre? À la nuit, ou plutôt au moment où le jour sombre devenait nuit noire, et comme les remparts de neige s'élevaient toujours plus haut derrière les portes et les fenêtres, arriva un pauvre vieux colporteur. Il avait longtemps lutté contre les rafales, sa balle sur le dos. Il était à moitié gelé et demandait un abri. C'était un homme bien connu dans le district. On le reçut, on l'installa au coin du feu, on lui fit boire du vin épicé et on lui promit un lit. Peine réconforté, il demanda des nouvelles du vicaire, et apprenant qu'il n'était pas encore rentré, il se leva tout agité. « Mais j'ai rencontré monsieur le révérend hier au soir. Comme il revenait de Thamesley, s'écria-t-il, que Dieu nous soit en aide, aussi sûr que je suis vivant, il s'est perdu dans la bruyère. » Les voisins rassemblés dans la cuisine se lamentèrent bruyamment, et les enfants qui écoutaient devinrent pâles. « Êtes-vous bien sûr que c'était le maître ?» s'écria Kezia. « Si j'en suis sûr !» affirma le colporteur. « Il me souhaita le bonsoir et me dit qu'il arriverait ici avant moi. Mais je pris bientôt un autre chemin pour aller porter à Dame Carew des agrafes et du fil qu'elle attendait. Ainsi nous nous séparâmes. J'ai couché chez les Carew que j'ai quittés ce matin. Dieu nous garde, c'est un homme mort !» Au milieu des exclamations qui suivirent, personne ne prit garde aux enfants jusqu'au moment où Rob cria « Reddy est mort aussi !» On s'aperçut alors que Ray s'était évanoui. Il revint bientôt à lui et ouvrit les yeux d'un air égaré. « Papa n'a pas voulu secourir les petits oiseaux » murmura-t-il et il frissonna et se mit à pleurer. Kezia, avec un fardeau de chagrin qui lui semblait trop lourd pour une pauvre femme réduite à elle-même, emporta Ray dans son petit lit, le suppliant de ne pas s'agiter ainsi, puisqu'il y avait toujours de l'espoir. Puis elle redescendit en hâte, s'emportant contre le colporteur qui avait été assez mal avisé pour parler ainsi devant les enfants, et elle tint conseil avec les voisins sur ce qu'il y avait à faire. Les hommes s'offrirent pour aller à la recherche du vicaire, mais il n'y était que 4 ou 5, et parmi eux 2 vieillards. Ils sortirent cependant avec leurs piques et leurs lanternes de corne, et la neige qui tombait toujours les déroba bientôt à la vue. Ils avaient d'abord songé à monter au clocher, et à sonner les 2 cloches, mais ils jugèrent que c'était peine perdue avec un vent aussi impétueux. Ils s'en allèrent donc dans cette nuit terrible, cherchant de leur mieux, tandis que les femmes effrayées, assises dans la cuisine du presbytère, trouvaient un étrange et terrible plaisir à entendre le colporteur s'écrier à tout instant « Seigneur, aide-nous, c'est un homme mort !» Enfin, Kezia lui enjoignit d'aller se coucher, ce qu'il fit à contre-cœur. Les femmes restèrent au coin du feu, buvant à petite gorgée leur vin épicé, se racontant d'effroyables histoires, advenus du temps de leur père et grand-père, le tout entremêlé d'une foule de « et puis » et « alors » etc. Kezia, cependant, était assise au chevet des deux garçons. Rob dormait, mais Ray était tout à fait éveillé. Il frissonnait et répétait sans cesse « Papa n'a pas voulu secourir les petits oiseaux, il n'a pas voulu, et je sais que le bon Dieu a été irrité. » Pendant toute cette longue nuit, le vent ne cessa pas de mugir et la neige de tomber. À l'aube, les hommes revinrent après avoir inutilement exploré, disaient-ils, au moins 8 milles de la lande. En réalité, sans s'en douter eux-mêmes, ils ne s'étaient guère éloignés de plus d'un mille du village, ayant toujours tourné dans le même cercle et n'en s'en apercevant pas à cause de l'obscurité. Le jour se leva gris et sombre, la neige tombait toujours, mais le vent s'était apaisé. Kezia prit à part le plus jeune et le plus robuste de ses voisins et le supplia de faire tous ses efforts pour se rendre à Thamesley. C'était une entreprise hasardeuse, car tous les sentiers avaient disparu, toutes les communications étaient coupées. Mais l'homme était brave, et il promit de faire de son mieux. « Quoi qu'on fasse, dit-il en s'éloignant, monsieur le vicaire est un homme mort, s'il a passé la nuit en plein vent. » Les autres allèrent au clocher et sonnèrent à toute volée. Il était 11 heures du matin, l'heure où le service aurait dû commencer. L'église était petite et sombre, çà et là, quelques branches de houx et d'autres rameaux verts l'égayaient un peu. Mais le vicaire n'approuvait pas ces choses et ne n'avait presque rien pu faire pour décorer les murs nus, la vieille chaire carrée, le petit sanctuaire humide et sombre comme un souterrain. Le temps s'était levé, aussi les femmes commençaient-elles à arriver, mais elles ne demeurèrent pas longtemps. L'église était glacée et paraissait d'autant plus triste que cette matinée de Noël se passait sans service religieux et que le vicaire était peut-être enseveli sous les neiges. Dans la cuisine du presbytère, Kezia essayait de lire aux enfants les prières du matin. La voix lui manquait, les enfants n'écoutaient pas. Jusqu'aux petites jumelles, tous étaient tristes et effrayés. Ray, assis dans l'embrasure de la fenêtre, la tête appuyée contre les vitres, ne disait mot. Son regard effrayait Kezia presque autant que l'absence du vicaire. « Il prend les choses terriblement à cœur », se disait-elle avec un soupir. Elle ferma le gros livre de prières et laissa entrer les paroissiens alarmés. Quelques-uns avaient fait péniblement plusieurs milles dans la neige pour ne pas manquer le service, et ils trouvaient l'église vide, le ministre absent. Tous étaient persuadés qu'il était mort, d'autant plus qu'un messager de Thamesley était venu, malgré le danger, pour chercher de ses nouvelles de la part du squire. « Ne vous ai-je pas dit la vérité, juif incrédule que vous êtes ?» répétait le colporteur qui jouissait de l'importance que lui donnait son rôle dans cette terrible histoire. Maintenant, il ne pouvait plus y avoir de doute. Le vicaire avait quitté Thamesley malgré les instances du squire et s'était mis en route à pied pour revenir chez lui. Il semblait plus que probable qu'il avait perdu son chemin et qu'on ne le reverrait pas. « C'est comme un jugement, » murmurait Kezia de façon à n'être pas entendu des enfants. « Oui, comme un jugement. » Il a puni ses pauvres petits pour avoir nourri les oiseaux qui mouraient de faim, et maintenant il sait ce que c'est que de mourir dans la neige. » Rob se mit à pleurer en voyant les femmes pleurer. Ray, lui, ne versa pas une larme, ne dit pas un mot. Il était dominé tout entier par la pensée que le bon Dieu était irrité. Ainsi se passa la matinée de Noël. Point de filet de bœuf sur le feu, le pudding qui était resté toute la nuit dans la marmite, cuisait comme il pouvait sans que personne n'y prît garde. Les cloches de l'église tintaient sans interruption. Les gens commençaient à arriver des confins les plus éloignés de la paroisse. Tous apportaient de terribles récits de la tourmente, moutons gelés, chevaux morts, voyageurs perdus, garçons disparus sous la glace. On disait même que le rapide de Londres, à 20 milles de là, avait été arrêté pendant toute la nuit avec tout son chargement de voyageurs et que quelques-uns de ceux-ci étaient morts de froid. Kezia écoutait avec des battements de cœur. Il était 3 heures. Elle avait mis de côté le dîner de Noël et donné aux enfants, qu'elle gardait réunis autour d'elle, leur gruau de tous les jours. Si ce n'était pas de la tendresse qu'agitaient ces petites âmes, à cause de l'absence de leur père, le sentiment d'un grand malheur pesait cependant sur eux. Il les tenait immobiles, Ray était toujours muet et ne bougeait pas. Vers 4 heures, il faisait déjà nuit. Les villageois restaient là, aussi effrayés que les enfants. Le jour de Noël finissait, et il n'y avait pas eu de service dans l'église. Cela leur semblait quelque chose de si terrible qu'ils croyaient y sentir la malédiction de Dieu. Pas un son du côté de la lande et des bruyères. Les moutons bêlaient dans l'étable où la vache mugissait devant sa crèche vide. C'était tout. Un grand silence enveloppait le village et les gens ne se parlaient qu'à demi-voix. Kezia se leva tout à coup et prenant une des petites filles sur chaque bras, leur tête blonde bien enveloppée de leur capuchon. Noël ne doit pas se passer sans une prière à l'église, dit-elle aux gens assemblés dans la cuisine. Allons-y prier pour le maître, au moins nous n'aurons pas célébré Noël comme des païens. Elle sortit dans l'ombre qui s'épaississait. Suivie par les enfants, elle se dirigea vers l'église, sous les arbres dépouillés. Les femmes venaient après elle, abritant sous leur mante rouge leur petite lanterne qu'elles déposèrent à l'entrée. L'église s'éclaira ainsi d'une pâle lueur. Kezia s'agenouilla, priant à haute voix. L'assistance lui répondait, et quand elle eut achevé ses prières, la petite voix de Ray se fit entendre dans le silence. « Mon Dieu, je t'en prie, ne sois plus fâché, car papa s'est trompé, il ne voulait pas être méchant. Sauve les agneaux, les oiseaux, et sauve-le, pour l'amour de son saint nom, ne sois plus irrité. » Et sa voix s'éteignit dans un sanglot, et les femmes agenouillées dans l'ombre pleuraient aussi. Puis elles sortirent, lentement comme elles étaient entrées. L'une d'elles avait dit « Chantons un psaume !» Mais personne ne pouvait chanter, les cœurs étaient trop gros. Tous les hommes n'étaient-ils pas sous la lande, et qui pouvaient dire ce qui leur arriverait? Kezia, sur le pas de la porte, se retourna et s'adressant à ses voisines. « Maintenant je vous remercie du fond du cœur, mais que chacun retourne chez soi. Bavarder n'est pas de saison. Pour moi, je resterai avec les enfants. Que Dieu secoue leur père. » Les femmes, émues du ton sérieux de ces paroles, rentrèrent dans leur demeure. Les enfants se pressèrent près du foyer autour de Kezia. Les deux petites filles s'étaient endormies dans ses bras. Dans l'arrière-cuisine, un colporteur et un vieux paysan, trop âgés l'un et l'autre pour être à la recherche du vicaire, s'entretenaient au bas des ouragans qu'ils avaient vus un demi-siècle auparavant. Kezia avait allumé des chandelles qu'elle plaça près des fenêtres, afin que la lumière pût aider son maître à retrouver sa maison. « Seigneur Dieu, viens en aide à ces pauvres âmes !» pensait-elle en berçant les petites filles dans ses bras, tout en songeant aux vaisseaux sur la mer, aux voyageurs sur la lande, aux troupeaux perdus sur les collines. Ray regardait fixement le feu, la bouche entrouverte. « Je t'en prie, Kezia, ne m'envoie pas coucher, » disait-il. « Je t'en prie, ne le fais pas. »« Et pourquoi ne veux-tu pas aller dormir, mon enfant ?» lui demanda Kezia, quand elle lui mit tous les autres au lit et qu'elle revint vers lui près du feu. « N'entends-tu pas l'horloge frapper 9 heures ?» Ray frissonna. L'autre nuit, en dormant, j'ai vu papa mort dans la neige, et les oiseaux du bon Dieu le couvraient de feuilles. Maintenant, je suis sûr que si je m'endors, je le reverrai. « Mon pauvre petit, » dit-elle. Il appuya sa tête fatiguée sur l'épaule de Kezia, et ils restèrent ensemble au coin du feu. L'horloge frappa 10 heures. On entendait un bruit de voix au dehors, des pas d'hommes sur la neige gelée. Le chien boyait, le reflet rouge des torches éclairait les fenêtres. Ray et Kezia se levèrent précipitamment et ouvrirent toute grande la porte. Les hommes portaient un brancard, et celui qui était en tête cria « Petit maître, c'est votre père. Nous avons fait une bonne nuit de Noël. Non, non, non, il n'est pas mort. Ne craignez rien. » Ray s'élança dans la neige. Pendant un moment, tout fut confusion. Puis les hommes déposèrent doucement le brancard devant le feu et, soulevant les couvertures, montrèrent à Ray son père couché, immobile, les lèvres pâles et murmurant doucement « N'aie pas peur, mon enfant. » Ray fondit en larmes et embrassa son père comme il n'avait osé le faire de sa vie. En quittant Tamsley pour revenir chez lui, le vicaire avait traversé sans encombre la moitié de la lande, bien que la neige l'aveugla. À la nuit tombante, il avait perdu son chemin. Après avoir longtemps erré, sa fatigue devint telle qu'il perdit peu à peu courage. De plus en plus faible, à chaque pas, il était arrivé en trébuchant près d'une cavité de rochers abritée par de grands arbres. Il s'était assis là, enveloppé de son manteau, espérant que le jour n'était pas loin. Mais un vieux chêne, déraciné par la rafale, était tombé à grand fracas devant son abri, si bien qu'il lui était devenu absolument impossible d'en sortir. C'est là qu'à demi gelé, affamé et désespéré, il avait passé 30 heures emprisonné dans les neiges, tandis que ses paroissiens le cherchaient de tous côtés et que son petit garçon demandait à Dieu de ne pas être irrité. À grand-peine, il avait lutté contre le besoin de sommeil, sachant bien que le sommeil, c'était la mort. Il s'était cru perdu, enfermé qu'il était par une barrière impénétrable, se rendant compte que personne ne pourrait le voir ou entendre sa voix. La mort le serrait de près, et quand il la sentit là, il regretta bien des choses passées et se repentit. Il pensa avec confusion et douleur à ses pauvres petits-enfants. Il se souvint comment il les avait punis pour avoir été secourables aux oiseaux du ciel et leur avoir donné du pain. Aussi, quand il entendit les pas des sauveurs sur la neige et que les aboiements de son chien, ce chien qu'il avait souvent enchaîné et frappé, les eurent conduits jusqu'à sa retraite, et qu'à force d'efforts, on le retirait de sa prison, Le pauvre vicaire était aussi faible que son petit garçon et il s'évanouit. Et comme il était là, étendu devant son foyer dont la lumière envoyait de joyeux reflets sur les boucles blondes d'oreilles, il ouvrit ses bras à l'enfant. « Mon garçon, j'étais dur envers toi, pardonne-moi. Puisque ma vie a été épargnée, je veux m'efforcer d'en faire une vie bénie pour toi et tes frères. Et les oiseaux ?» murmura Ray, le père sourit. « Tu pourras suspendre chaque hiver une gerbe de blé pour eux, comme on le fait en Suède, à ce que dit ton livre d'histoire. Je sais maintenant ce que c'est que de mourir dans la neige. » Ray posa sa tête sur la poitrine de son père. Il était heureux. Et quand vint le matin, un matin sans nuages, il eut sa gerbe de blé liée au-dessus de la porte, où des volées d'oiseaux vinrent s'abattre, picorant et gazouillant, les hardis rouges gorges à l'avant-garde. « Le bon Dieu m'a entendu quand je lui ai demandé de ne plus être fâché, » disait Ray. « Et moi aussi, je le lui ai demandé, » répliqua Rob, et se tenant la main, ils regardèrent le ciel azuré qui s'étendait immense et pur sur leur tête. Ainsi s'achève « Oiseau dans la neige » par Ouida.